Je marche sur le sable, comme l'été est tout près. Le printemps est instable, mes pieds estiment la mer. Quand je m'aperçois que c'est la fin de l'histoire, la suivante peut commencer. Je t'accroche aux vagues. Va-t'en, va-t'en au bord de l'eau, coule hors de moi, ton âme et ses fardeaux. Va, va rejoindre la course à l'intérieur de toi, choisis les bonnes ressources dedans, dedans toi.